Josué chapitre 8. Puis l'Éternel dit à Josué, ne crains point, et ne t'effraie de rien. Prends avec toi tout le peuple propre à la guerre, et te lève, monte contre Haï, regarde, j'ai livré entre tes mains le roi de Haï, et son peuple, et sa ville, et son pays. Et tu feras à Haï, et à son roi, comme tu as fait à Jéricho, et à son roi, seulement vous empirez pour vous le butin, et les bêtes. Mais des gens en embuscade derrière la ville. Josué donc se leva avec tout le peuple propre à la guerre, pour monter contre Haï, et Josué choisit 30 000 hommes forts et vaillants, et les envoya de nuit. Et il leur commanda, disant, voyez, vous qui serez en embuscade derrière la ville, ne vous éloignez pas beaucoup de la ville, mais tenez-vous prêts. Et moi, et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville, et quand ils sortiront à notre rencontre, comme ils ont fait la première fois, nous nous enfuirons de devant eux. Ainsi ils sortiront après nous, jusqu'à ce que nous les ayons attirés hors de la ville, car ils diront, ils fuient devant nous comme la première fois, parce que nous fuirons devant eux. Mais vous vous lèverez de l'embuscade, et vous vous saisirez de la ville, car l'Éternel votre Dieu la livrera entre vos mains. Et quand vous l'aurez prise, vous y mettrez le feu, vous ferez selon la parole de l'Éternel. Regardez, je vous l'ai commandé. Josué donc les envoya, et ils allèrent se mettre en embuscade, et se tinrent entre Bethel et Haï, à l'occident de Haï, mais Josué demeura cette nuit-là avec le peuple. Puis Josué se leva de bon matin, et dénombra le peuple, et il monta lui et les anciens d'Israël, devant le peuple vers Haï. Et tout le peuple propre à la guerre, qui était avec lui, monta, et s'approcha, et ils vinrent vis-à-vis de la ville, et se campèrent du côté du septentrion de Haï, et la vallée était entre lui et Haï. Il prit aussi environ 5 000 hommes, lesquels il mit en embuscade entre Bethel et Haï, à l'occident de Haï. Et le peuple mit tout le camp qui était du côté du septentrion contre la ville, et l'embuscade, à l'occident de la ville, et cette nuit-là Josué s'avança dans la vallée. Or il arriva qu'aussitôt que le roi de Haï l'eut vu, les hommes de la ville se hâtèrent, et se levèrent de bon matin, et autant marqué le roi et tout son peuple, sortirent à la campagne contre Israël pour le combattre. Or il ne savait pas qu'il y eut des gens en embuscade contre lui derrière la ville. Alors Josué et tout Israël feignant d'être battus à leur rencontre, s'enfuirent par le chemin du désert. C'est pourquoi tout le peuple qui était dans la ville, fut assemblé à grands cris pour les poursuivre, et ils poursuivirent Josué, et ils furent ainsi attirés hors de la ville, de sorte qu'il ne resta pas un seul homme dans Haï, ni dans Bethel qui ne sortit après Israël, ils laissèrent la ville ouverte, et ils poursuivirent Israël. Alors l'Éternel dit à Josué, étends l'étendard qui est en ta main, vers Haï, car je la livrerai entre tes mains, et Josué étendit vers la ville, l'étendard qui était en ses mains. Et ceux qui étaient en embuscade, se levèrent incontinent du lieu où ils étaient, ils commencèrent à courir aussitôt que Josué eut étendu sa main, ils vinrent dans la ville, la prirent, et ils se hâtèrent de mettre le feu dans la ville. Et les gens de Haï se tournant derrière eux, regardèrent, et voici, la fumée de la ville montait jusqu'au ciel, et il n'y eut en eux aucune force pour fuir, et le peuple qui fuyait vers le désert, se tourna contre ceux qui le poursuivaient. Et Josué et tout Israël voyant, que ceux qui étaient en embuscade avaient pris la ville, et que la fumée de la ville montait, se retournèrent, et frappèrent les gens de Haï. Les autres aussi sortirent de la ville contre eux, ainsi ils furent enveloppés par les Israélites, les uns de ça, et les autres de là, et ils furent tellement battus qu'on n'en laissa aucun qui demeura en vie, ou qui échappa. Ils prirent aussi vif le roi de Haï, et le présentèrent à Josué. Et quand les Israélites eurent achevé de tuer tous les habitants de Haï sur les champs, au désert où ils les avaient poursuivis, et que tout furent tombés sous le tranchant de l'épée, jusqu'à être entièrement défaits, tous les Israélites se tournèrent vers Haï, et la frappèrent au tranchant de l'épée. Et tous ceux qui tombèrent ce jour-là, tant des hommes que des femmes, furent au nombre de 12 000, tous gens de Haï. Et Josué ne retira point sa main, laquelle il avait élevée en haut avec l'étendard, qu'on eût entièrement défait à la façon de l'interdit, tous les habitants de Haï. Seulement les Israélites pillèrent pour eux les bêtes et le butin de cette ville-là, suivant ce que l'Éternel avait commandé à Josué. Josué donc brûla Aï, et la mit en un monceau perpétuel de ruines, et en un désert, jusqu'à aujourd'hui. Puis il fit pendre le roi de Haï à une potence, jusqu'au temps du soir, et comme le soleil se couchait, Josué fit commandement, qu'on descendit de la potence son corps mort, lequel on jeta à l'entrée de la porte de la ville, et on dressa sur lui un grand amas de pierres, qui est demeuré jusqu'à aujourd'hui. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur la montagne d'Ébal, comme Moïse serviteur de l'Éternel, l'avait commandé aux enfants d'Israël, ainsi qu'il est écrit au livre de la loi de Moïse. Il fit sept autels de pierres entières sur lesquels personne n'avait levé le fer, et ils offrirent dessus des holocaustes à l'Éternel, et sacrifièrent des sacrifices de prospérité. Il écrivit aussi là sur des pierres, un double de la loi de Moïse, laquelle Moïse avait mise par écrit devant les enfants d'Israël. Et tout Israël, et ses anciens, et ses officiers, et ses juges étaient au-dessus et au-delà de l'arche, vis-à-vis des sacrificateurs qui sont de la race de Lévi, portant l'arche de l'alliance de l'Éternel, tant les étrangers que les Hébreux naturels, une moitié étant contre la montagne de Guérizim, et l'autre moitié contre la montagne d'Ébal, comme Moïse serviteur de l'Éternel l'avait commandé. Pour bénir le peuple d'Israël la première fois. Et après cela il lut tout haut toutes les paroles de la loi, tant les bénédictions que les malédictions, selon tout ce qui est écrit au livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait commandé, que Josué ne lut tout haut devant toute l'assemblée d'Israël, des femmes, et des petits-enfants, et des étrangers conversant parmi